Kassem mène des opérations pour les services de renseignement français. De Bamako à Genève, de Beyrouth à Tanger, il a vu des régimes tomber, des peuples se relever et des hommes mourir. Mariam est irakienne et archéologue. Elle tente de sauver le patrimoine artistique des zones dévastées par la guerre au Moyen-Orient. Elle cherche sans fin la trace de ces objets pillés. Écoutez nos défaites. De Laurent Godet. Extrait choisi par Juliette Eman. Cinquième et dernier épisode. Mariam est à Alexandrie, dans la nuit méditerranéenne. Elle est là tandis que lui est à Tripoli, côte à côte presque. Mais ils ne le savent pas. Elle ne dort pas. Sa chambre possède un petit balcon qui donne sur la mer et elle s'y est installée. Les jambes sur le parapet, relevant sa jupe pour sentir un peu la fraîcheur, elle repense à Marwan. Elle se souvient de leur tout dernier rendez-vous. C'est lui qui avait appelé, profitant d'un moment où elle était de passage au Caire. Il lui avait demandé s'il était possible de se retrouver au Café Riche à 18h. Elle avait acquiescé. Elle arriva au café en avance. Elle s'assit à une petite table d'où elle pouvait voir l'entrée et elle commanda un thé. Et puis il apparut dans l'embrasure de la porte et elle faillit mettre la main devant sa bouche. Il avait maigri, marchait comme un vieillard. Il s'était habillé avec un beau costume, mais son corps flottait dedans et lui donnait l'aspect d'une marionnette fatiguée. Ils ne parlèrent pas d'eux, de leur histoire, de la rupture. Ils ne parlèrent pas de la maladie qui le rongeait et ne laisserait bientôt de lui que des os dans un costume trop vaste. Il n'était pas venu pour cela, elle l'avait compris tout de suite. Il sortit d'un sac un objet emmitouflé dans du papier de soie et le posa sur la table. « Je vais te raconter une histoire, » dit-il. « Tu ne m'interrogeras pas, tu ne diras rien. Et à la fin, tu prendras ou tu ne prendras pas ce paquet. » Et alors, dans la salle un peu endormie du Café Riche, il se mit à raconter. Maintenant, je vais vous dire ce que nous allons faire, déclare Job avec un étrange sourire sur le visage. Je vais vous raconter ce que je suis, vraiment, sans masque. Et lorsque j'aurai fini, ce sera à vous de juger. Vous voulez ? Quand je dis juger, je veux dire que c'est vous qui me direz si je dois vivre ou mourir. C'est pour cela qu'on vous a envoyé, non ? Savoir si je dois vivre ou pas. Je ne vous demande rien de plus que ce qu'ils vous ont demandé. Sauf que c'était pour voir si je représentais un risque pour les États-Unis ou quelque chose dans le genre. Oubliez-les. Entre vous et moi, c'est autre chose. Hassem répond un peu vite, comme s'il voulait éviter d'entrer dans ces territoires où il pressent qu'il va se perdre. Vous savez qu'ils vont tout faire pour vous neutraliser. Job prend son temps, le regarde avec une sorte de bienveillance dans les yeux et lui dit « Nous n'en sommes plus là ». Hassem ne sait plus que dire. L'entretien prend un tour qui lui échappe. Il voudrait se lever et partir. « Je ne comprends pas, » balbutie-t-il. « Si, vous comprenez très bien. Et vous savez que c'est ainsi que cela finira. Si vous pensez que je dois vivre, je m'en irai et ils ne me retrouveront jamais. Mais je veux l'entendre de votre bouche. Nous en avons fini avec l'obéissance, vous et moi. Ce qui existe maintenant de l'un à l'autre, c'est la loyauté. » Marwan parla de Mariette Pacha. Il parla de la concurrence sauvage qui régnait alors en Égypte entre les différentes nations européennes. Il parla des ruses de Mariette, les fouilles de nuit, lorsque les surveillants envoyés par le pouvoir en place rentraient chez eux, et puis l'exfiltration des objets avec l'aide des visiteurs étrangers. Pour échapper à la surveillance des autorités, chaque visiteur français repartait avec, sous le châle ou dans le sac des dames, une statue, un bijou. « Et puis, il y a ce jour, dit-il, où Mariette va voir Paul-Émile Botta à Paris. Le jeune Mariette est sûrement nerveux et impressionné. Il a devant lui le consul de Mossoul, de Jérusalem, de Tripoli. Il a surtout devant lui celui qui a découvert les géants de Khorsabad. Je ne sais pas à quel moment il a posé cet objet devant Botha et quel mot il a trouvé. J'imagine qu'il a parlé de l'importance de ne pas oublier que nous sommes des pilleurs de tombes. Puis il lui a tendu l'objet qu'il lui avait apporté. Non pas comme un larcin, non. Il tend cet objet à Botha comme un pacte. Mais Botha le regarde. « Comment osez-vous, jeune homme, ou quelque chose comme cela? Vous me prenez pour un pilleur? J'ai travaillé pour la France, pour l'humanité. » Tous ces grands mots qu'il jette à la figure de Mariette, comme des gifles qui tomberaient sur un chapardeur de 15 ans. Et Mariette repart, déconfie. Et puis le temps passe. Et lorsque le jeune Maspero arrive dans sa vie, il voit en lui son digne successeur. Alors il tend l'objet au jeune homme, surpris d'abord, sûrement, ébahi même, un peu honteux car il n'a probablement jamais rien volé de sa vie, mais Maspero est intelligent et il accepte. « Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé à Calafgan, » poursuit Job. « Vous saviez que dans l'Antiquité, certains prêtres considéraient qu'on pouvait lire la volonté des dieux en contemplant le mouvement des enfants dans une cour de récréation ? Lorsqu'ils jouent, leurs cris, leurs déplacements, les gestes qu'ils font, les bagarres, les jeux, tout a un sens. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Sem. « Parce que je l'ai fait. En Afghanistan, à Calafgan, je l'ai fait. J'ai regardé une cour d'enfants. Les allées et venues, les cris, les traces de leurs pieds dans la poussière du sol. Et les dieux m'ont parlé. C'était beau. La lumière du ciel, l'éclat des voix. Je vous jure, c'était beau. Mais ce que j'ai entendu, vous savez ce que c'était ? Destruction. C'est ce mot-là que les dieux m'ont murmuré à l'oreille. Là, avec les va-et-vient des enfants. Destruction. Je le sentais comme si le mot était écrit dans l'air, comme si les enfants eux-mêmes le demandaient. Il fallait tuer quelque chose, absolument, et le plus vite possible. Je l'ai fait. Les dieux ne mentent pas, n'est-ce pas ? Je leur ai obéi. J'ai donné les coordonnées de la madrassa à la base de Creech dans le Nevada et un missile est parti de loin pour venir s'écraser devant moi et accomplir la volonté des dieux. Destruction. Les enfants n'étaient plus. Je l'ai fait et je suis resté jusqu'au bout pour pouvoir marcher dans la cour une fois que le feu s'était abattu et écouter le silence. Mais il n'y a pas eu de silence. Juste les hurlements des villageois, les mains qui s'agrippaient, la haine partout. La mienne, la leur, leurs insultes que je comprenais, que je partageais, et j'aurais pu les frapper comme ils me frappaient, peu importe, il fallait des coups à cet instant, dans un sens ou dans l'autre, pour que tout finisse, c'est ce que les dieux avaient demandé. Les pierres jetées, les coups donnés, je pensais que ça s'achèverait là, mais ils m'ont sauvé. C'est l'expression qu'ils ont utilisée. J'aurais dû sauter de l'hélicoptère. J'y ai pensé. Sauter et mourir déchiré dans les pierres sèches de Calafgan. Mais plus aucun dieu ne m'a dit de le faire. Ils se sont tus. Assem ne dit rien. Il est tétanisé par ce qu'il vient d'entendre. Elle repense au récit de Marwan, à ce dernier rendez-vous au Café Riche. Il avait fini par se taire. Et sa main alors avait poussé devant lui l'objet. Je l'ai gardé toute ma vie. Pas comme un voleur. Comme un devoir. J'ai toujours su que c'était à toi que je le donnerais. Après cela, il était resté silencieux, la laissant prendre son temps pour poser une main sur l'objet et déballer lentement le tissu. Elle avait ouvert grand la bouche lorsque la statue du dieu Bess était apparue. Le dieu nain aux longs bras, aux jambes courtes et épaisses. Le dieu Bess que l'on glisse sous la tête des agonisants à l'instant de mourir pour qu'il veille sur eux dans l'au-delà. Elle le prend dans sa main, ne se soucie plus de savoir si les gens du café la regardent ou pas, si quelqu'un autour d'eux se demande ce que c'est que cet objet. Elle accepte et Marwan sourit. Elle se souvient de cela. Elle repense au dieu Bess, au contact de la pierre dans sa main. elle repense à cette longue chaîne d'hommes et de femmes qui va jusqu'à elle et jusqu'à l'homme à qui elle l'a donné. Le premier, peut-être, à ne pas être un archéologue. Et encore, quand c'est elle? La statue de Bess est remise dans la vie, passant de pays en pays, de soubresaut en soubresaut. Elle se demande alors ce qu'Assem comprendra de ce geste, de cet objet, et ce qu'il en fera. Elle pense à lui, dans cette nuit qui les unit, sur la même rive de la Méditerranée, entourée de la même chaleur humide, épaisse, qui fait ployer les feuilles des palmiers, d'Alexandrie à Tripoli, et elle espère que le dieu nain veille sur lui où qu'il soit, écartant de ses grimaces les cauchemars qui tournent autour des hommes. Alors, lieutenant, est-ce que je dois mourir? Assem a chaud, se sent mal. Il ne veut pas de cette question, de ce qu'elle implique. Laissez-moi, murmure-t-il. Et pour que l'autre ne se remette pas à parler, il répète plus fort, laissez-moi. Il est sur le point de se lever, mais Job va plus vite. D'un geste brusque, il sort sa main de dessous la table et crie, vous ne vous défilerez pas, lieutenant. Vous m'avez promis. La loyauté, vous vous souvenez? Il faut répondre maintenant. Et dans sa main, il tient une grenade. Que faites-vous? Demande Assem. Vous avez choisi? Avant qu'Assem n'ait eu le temps de réagir, il entend le bruit de la grenade que Job vient de dégoupiller. Est-ce que je dois vivre? Demande-t-il encore. Assem se tait. Il n'a plus aucun mot en lui. Regardez-moi, hurle Job. Vous ne dites rien? Vous n'y arrivez pas? Répondez, lieutenant. Et Assem, alors, dans un souffle à peine audible, laisse échapper ce mot. Mourir. Et à l'instant même où il l'entend, étrangement, le visage de Job s'éclaire. Non pas abattu comme un prisonnier à qui on viendrait de révéler la sentence, mais apaisé comme s'il attendait ce mot depuis si longtemps. Comme si c'était le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Et il dit alors avec un sourire reconnaissant, beau presque, malgré la fièvre du regard. C'est bien. Merci. Tout est bien. Assem se lève doucement. Il sent que Job va le laisser partir. Il n'est plus avec lui, ne semble même plus le voir. Il a la main toujours sur la grenade, le visage tourné légèrement vers le haut, communiant avec des forces invisibles à des années-lumière de cette ville qui l'entoure, fixant les siècles. Assem recule pas à pas, avec lenteur, puis il sort, laissant Job derrière lui sans plus un mot, sans plus un regard. Ils sont trop loin l'un de l'autre dorénavant. Et puis la détonation déchire le silence, étouffée par les gros murs du Radisson. Tout est calme dans la salle du musée et pourtant le monde brûle. Palmyre est tombée. Ils ont assassiné Khaled al-Assad. Elle vient de l'apprendre. Elle marche dans cette pièce du Bardo où elle a participé à une conférence sur la sauvegarde du patrimoine. Elle a eu envie d'être seule avec les objets. Elle a déambulé lentement dans ce musée immense et elle ne s'est arrêtée que lorsqu'elle s'est trouvée devant le masque rouge en terre cuite, au nez tordu, à la bouche grimaçante, avec ses deux trous sombres à la place des yeux. De qui rit-il? D'elle? De leur impuissance face à la barbarie? De sa maladie? Non. Le masque regarde plus loin. Il a entendu les coups de feu, les cris. Peut-être a-t-il aperçu les traces de sang sur les murs? Et il grimace devant cette humanité qui se tue. Elle est restée longtemps dans cette pièce, devant ce masque rouge, jusqu'à ce qu'elle se dise qu'il ne regardait rien. Non, les trous à la place des yeux sont là pour que l'on entre en lui, que l'on soit happé par les siècles. Alors elle plonge dedans, le temps de ces quelques minutes où plus personne ne l'entoure, loin de tout, et elle se sent forte, là, face au masque, pour la première fois depuis des semaines, elle se sent déterminée. Le combat se poursuit. Elle travaillera encore, malgré la fatigue que lui causeront les traitements. Elle traquera les objets pillés, défendra ces musées que l'on veut immoler. Elle pose la main sur la vitre, face au masque. Et c'est comme une promesse. Le sang coulera à nouveau. Des merveilles venues des temps anciens seront détruites, vendues au marché noir, des hommes et des femmes assassinés. Mais il n'y a pas de défaite possible. Car cela voudrait dire accepter de n'être plus ce que nous sommes. Cela voudrait dire désapprendre à vivre. Il gare sa voiture devant l'entrée du site. Canne della Battaglia. C'est ainsi que le lieu se nomme désormais. D'en haut, il voit la mer. Le soleil se couche dans son dos. Tout dégage un sentiment de paix, et pourtant il est sur un cimetière. Canne della Battaglia. C'est ici qu'Hannibal a défait l'armée romaine. Ici qu'en quelques heures, 45 000 Romains ont été tués. La plaine si belle, si douce qu'il a sous les yeux a longtemps pué les viscères. Comment se fait-il que le lieu d'un des plus grands bains de sang de l'humanité soit magnifique? Il se laisse emplir par le vent chaud qui remonte de la mer. La lumière d'été se pose sur les collines au loin, avec grâce. Job est mort, là-bas, de sa main qui a relâché la grenade, soufflée par l'explosion. Décapité par sa propre volonté. Tout s'achève maintenant. Alors il se penche par terre, là, sur le sommet de la colline. Et il creuse un trou à ses pieds, lentement, sans hâte. Elle arrive tout en haut du village de Sidi Bou Saïd. Le chauffeur de taxi s'est garé près du phare. Elle paie, descend et rejoint à pied le petit cimetière marin qui trône au sommet de la colline. De là, la vue est vaste sur la mer. Elle s'installe sur le muret et contemple l'immensité. Elle est tout près de lui. Dans le même arrêt du monde, s'effaçant comme lui pour laisser entrer le silence des collines et rien d'autre n'a d'importance. Elle est venue ici pour rendre hommage à Khaled al-Assad. Le vieil homme a été torturé pendant des jours. Ils l'ont décapité au couteau sur le site même qui était sa vie. Elle veut penser à lui. Alors elle se lève, les tombes du cimetière dans son dos, et elle ferme les yeux, tournée vers la mer. Dans cette terre qu'il soulève, il y eut des cris et des combats, de la douleur et un silence de mort. Il repense à Job qui ne sera pas enseveli. Job explosé. Il sait qu'il est désormais loin de tout cela. Et au moment où il saisit la statue dans sa poche et la sort, il sent que les morts le regardent. Il pense à Mariam qui lui a donné cette statue. Et il sait qu'elle comprendrait ce qu'il est sur le point de faire. Il la sort. Il ne sait rien de son histoire. Rien même de sa signification. Il la manipule avec déférence et la pose dans le trou qu'il a creusé. Mariam, c'est elle qui la pose. Qu'elle lui sert à cela? À enterrer ses ombres et toutes les autres avec, celles des milliers de morts de Canne della Battaglia. Un dieu, enfin, va veiller sur eux. Le dieu nain que l'on glisse sous la tête des défunts pour les apaiser et écarter les tourments. Il la glisse là, dans la colline de Canne della Battaglia, et tous sentent un soulagement. Écoutez nos défaites. Il la glisse et c'est sa façon de proclamer sa défaite à lui, de lui donner un nom. Il n'est pas triste, il le fait avec douceur et sérénité. Nous avons perdu, non pas parce que nous avons démérité, non pas à cause de nos erreurs ou de nos manques de discernement. Nous n'avons été ni plus orgueilleux ni plus fous que d'autres. Mais nous embrassons la défaite parce qu'il n'y a pas de victoire. Écoutez nos défaites. Il la glisse. Et ce pourrait être Mariam qui le fait, à l'autre bout de cette mer Méditerranée qui a connu tant de lumière et tant de sang. Elle le fait d'ailleurs, par ce long regard circulaire qu'elle laisse courir sur la mer. Elle le fait, et elle aussi pense à cet homme qu'elle a vu une seule fois à Zurich. Elle est pleine de cette nuit, et comme lui à cet instant, nue face à l'immensité. Il s'aime. Il s'aime. Elle le voit. Elle sait qu'il a en lui la même défaite qu'elle. Celle du temps qui nous fait doucement plier. Celle de la vigueur que l'on sent s'amenuiser et disparaître. Écoutez nos défaites. Il n'y a pas de tristesse. Elle n'a rien perdu, ni lui non plus. Il se penche, pose la statue du dieu nain dans le sol et la terre frémit de soulagement. Quelque chose lui est rendu. Elle sera là pour les siècles à venir. Incongrue peut-être dans ce sol labouré par les glaives et peuplé de squelettes, mais il sait que c'est juste. Il sait que Job le regarde, qu'à l'autre bout de la mer, Mariam est au milieu des stèles du cimetière marin de Sidi Bou Saïd. Écoutez nos défaites, nous n'étions que des hommes. Il ne saurait y avoir de victoire. Le désir juste, jusqu'à l'engloutissement. Le désir et la douceur du vent chaud sur la peau. Hannibal contemple la plaine. La mer n'a pas frémi. La chaleur tombe doucement. Il a la tête encore pleine des chocs et des contre-chocs, des cris, des chutes de corps, du sifflement des flèches, de la course des chevaux. 3 heures que des hommes se tuent. Il contemple la marée de corps qui l'entoure. Tous romains. Il ne le sait pas encore, mais 45 000 Romains gisent à ses pieds. Ils gémissent encore, bougent parfois, implorent qu'on les achève ou qu'on les soigne, continuent à suer tandis qu'ils saignent. 45 000 morts. Ils n'ont eu qu'à refermer le piège et massacrer un à un tous ceux qui étaient pris dans leur filet. 45 000 hommes qui se vident en même temps. Un vaste mouroir qui chauffe au soleil. 45 000 corps qui mettent des jours, des semaines à se décomposer. Elle est là, sa victoire. Laide comme une boucherie sans nom. C'est le plus grand massacre de l'histoire. Jamais aucune bataille ne fera autant de morts en si peu de temps. Bientôt, le Sénat apprendra la nouvelle. Il sera, à jamais, celui qui a gagné la bataille de Cannae et qui a renversé le cours des choses. Sa victoire, elle est là. Mais il veut se souvenir que ce sont des morts qu'il la lui offre. Il en est toujours ainsi, et malheur à celui qui l'oublie. Les grandes batailles qui restent dans les mémoires sont des charniers atroces qui font tourner les oiseaux. Est-il fier de cela? Des 45 000 Romains qui gisent à ses pieds. Peut-on l'être vraiment? Il veut se souvenir des viscères qui se mêlent au vent de l'été, car si l'histoire a un parfum, c'est celui-là. C'était « Écoutez nos défaites » de Laurent Godet. Extrait choisi par Juliette Eman. 5e et dernier épisode. Avec Elsa Le Poivre, Mariam, Éric Herson-Macarel, Assem, Damien Houssier, Hannibal et la voix de Julie Pouillon. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Musique originale, Dominique Massa. À la trompette, Martin Saccardi. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Bastien Varego. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Juliette Eman. Écoutez nos défaites de Laurent Godet et publié aux éditions Actes Sud.